c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la marche des sciences avec une émission Grand Portrait dédiée aujourd'hui à la fine fleur de la botanique, Aline Reynal-Roch. Aline s'intéressait à beaucoup de plantes qui étaient très particulières. Elle recherchait toujours les plantes avec une biologie très spéciale, les épiphytes, les plantes. Elle a beaucoup travaillé sur les plantes parasites, elle a travaillé aussi énormément sur des plantes dites carnivores, comme les utriculaires. Et toujours des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Ce n'était pas la plante parce qu'elle ne la connaissait pas, mais c'était la plante parce que la plante avait quelque chose d'original et qu'il fallait qu'elle mette ça en évidence. Elle est toute en discrétion, médiatique en tout cas, mais connue de par le monde, elle qui a traqué les plantes marginales, à biologie particulière, comme celles récoltées sur des terres insolites, les plantes parasites des cultures vivrières du Sahel, ou encore celles de marécages méconnus en Amérique tropicale. Les friches végétales sont pour elle un univers de prédilection et de délectation, une merveille où son âme s'épanouit. Aline Reynal-Roch a la passion des plantes, originales, à part, comme le rappelait à l'instant le botaniste Joël Jérémy. Depuis sa prime enfance et la découverte du livre « La nouvelle flore » de Bonnier, elle a choisi de devenir botaniste, n'hésitant pas à braver les idées reçues de son époque pour assouvir son rêve, un métier alors réservé aux hommes. Professeur honoraire au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, spécialiste des plantes à fleurs, surtout des orchidées, notre invitée a conscience que le futur de l'homme dépend de la diversité végétale. Pour elle, la dualité homme-nature n'est pas une relation d'opposition ou de dépendance, mais constitue une complémentarité nécessaire pour notre avenir. Rencontre donc aujourd'hui sur France Culture avec la botaniste Aline Reynal-Roch, auteure notamment du livre « La botanique redécouverte » paru chez Belin et également « Dessiner et photographier les fleurs » toujours chez Belin. Une plongée dans son univers public-privé, son parcours, ses découvertes, son regard sur notre relation avec la nature et le tout dans une émission émaillée d'archives sonores de l'INA dénichée par Anaïs Morales et Anne Delaveau, également avec des interviews surprises réalisées par Catherine Decopé, comme celle menée auprès du professeur retraité du département des milieux et peuplements aquatiques du muséum, j'ai nommé Joël Jérémy. Aline, c'était un puits de science, vraiment, qui elle avait une expérience des plantes, à mon sens, elle était plus faite pour l'enseignement, pour la diffusion des connaissances, que pour la recherche. Elle a fait beaucoup de travaux, mais on peut pas dire que c'était quelqu'un qui était à la recherche du nombre de publications, comme d'autres qui vous disent, bon, j'ai 300 publications, etc. Mais tous ceux qui ont assisté aux conférences d'Aline s'en souviennent après. Bonjour Aline Reynal-Roch. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous venez de Lyon, hein, vous avez fait oui. Le trajet. Et vous avez entendu à l'instant donc ce témoignage de Joël Jérémy qui porte un regard sur vous, alors à la fois sur la botaniste, mais en disant finalement professeur, chercheur, plus professeur que chercheur, mais vous avez fait les deux. Ah oui, c'est très difficile de faire la différence entre les deux. Celui qui cherche n'a qu'une envie, c'est de faire savoir ce qu'il a trouvé. Et de transmettre la passion. Transmettre, oui. Oui, oui. Et il faut conquérir parfois le public pour qu'il comprenne que le végétal est un être vivant à part entière. Et que protéger la petite fleur qui est en péril, qui risque de disparaître dans un carrefour de la forêt de Fontainebleau, par exemple, est aussi important que protéger les éléphants. Une espèce animale ou une espèce végétale représente la même richesse biologique. Et ça, c'est fondamental. Et historiquement, d'ailleurs, hein, aux origines de notre planète Terre, le végétal a trouvé vie aux côtés de l'animal. Non, même avant, d'ailleurs, hein, il y avait des algues qu'on retrouve aujourd'hui dans des fossiles. Bien sûr, bien sûr. Le végétal est à l'origine de toute vie sur Terre, sauf la vie bactérienne, puisque c'est grâce aux végétaux qu'il a pu y avoir de l'oxygène sans lequel nous n'existerions pas. Et alors vous disiez conquérir le public, Joël Jérémy, c'est quelqu'un que vous avez rencontré à quel moment ? Oh, Joël est un très vieil ami, nous avons beaucoup travaillé ensemble et je suis touchée qu'il ait bien voulu prendre la parole. je ne sais pas depuis quand je le connais, il y a des dizaines d'années, il y a peut-être 40 ans. Oui, il lui parlait d'une rencontre en 73, je crois, à Catherine de Copé. Oui, c'est ça. Probablement, c'est à peu près ça. Avec, à l'époque, vous œuvriez avec votre mari, hein, Jean Rénal. Oui. Sur les plantes de Nouvelle-Calédonie, je crois. Il était encore du monde, c'est ça. Oui, parce que votre mari, on peut le dire, a donc disparu en Afrique, sur le terrain. Oui, au Niger. Un accident de la route, c'est ça? Oui. Il avait quel âge? C'était en 79, il n'avait pas 45 ans. Et donc Joël Jérémy, vous connaissez tous les deux et ensuite a continué finalement à travailler avec vous, à vos côtés, sur les plantes aquatiques, aux Antilles, en Guyane. On va le retrouver dans l'émission. En tout cas, Aline Rénal-Roch, cette passion qui vous a animé et qui vous anime encore, en tout cas durant toute une vie professionnelle et au quotidien aujourd'hui, elle remonte à quand? À l'enfance? À ma petite enfance. J'ai eu une petite enfance un peu curieuse puisque je ne suis jamais allée à l'école et ma mère m'enseignait. Elle n'avait pas de livre scolaire. Elle avait un vieil exemplaire de la Nouvelle Flore de Bonnier et elle savait trouver le nom des plantes dans ce livre. Moi, je ne voulais pas apprendre à lire parce qu'il aurait fallu que je reste assise devant une table, ce qui me déplaisait fort. Mais j'ai compris que ce livre était un trésor. Et c'est pour ça que j'ai appris à lire, pour avoir accès à ce livre-là. Mais alors, quand vous disiez « je ne suis pas allée à l'école », vous viviez où, enfant ? Dans un petit hameau perdu, dans l'abri, dans des conditions difficiles. Et vos parents faisaient quoi ? Mon père était un peu compromis dans la résistance, et ma mère s'occupait de moi. Mon père travaillait dans une usine Breguet. À l'époque, c'était un nom célèbre pour la mécanique de haut vol. Donc un père résistant, et puis vous, dans ces années de guerre, hein, de Seconde Guerre mondiale, qui ont marqué votre enfance, parce qu'en 1940, vous aviez quel âge? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et donc, en 1944, en tout cas, vous aviez quand même des souvenirs de ces moments-là. Très précis. Et ce fameux livre qui vous faisait rêver. Ah oui, ah oui. Parce que dans ce livre, très modeste, avec des petits dessins en noir, il y avait toutes les connaissances qu'on pouvait imaginer sur les plantes qui m'environnaient. Et vous aviez senti donc déjà très tôt, Aline Rénal-Roch, que finalement le monde végétal n'était pas immobile et insensible? Ah, pas, il n'était pas du tout insensible. Je vivais dedans, le monde végétal et aussi le monde animal. Mais pour occuper mes loisirs d'enfant presque sauvage, veillé par une mère bienveillante, comme on peut l'imaginer. Moi, je courais les champs et les bois. Derrière l'endroit où nous vivions, il y avait une mare entourée de grands roseaux. Et j'allais régulièrement me cacher dans les roseaux. Et ma mère croyait que j'étais noyée. Et je trouvais ça tellement drôle. Ah, mais oui, vous, oui. Mais dans ces roseaux vivaient des grandes couleuvres vertes. C'étaient mes copines. Elles passaient tout à côté de moi. J'étais heureuse de rencontrer mes couleuvres. C'était la vie, ça. La biologie, c'est ça. La couleuvre qui vit dans un milieu de plantes et d'eau. Un milieu originel, en fait. Hein, oui. Puisque à l'origine, les plantes ont commencé à grandir dans l'eau. Oui. Avant, finalement, d'aller coloniser les terres. Oui. Et alors, pour votre malheur, finalement, Aline Rénal-Roch, c'est vous allez monter à Paris, quand même. Ah oui, ça a été un choc, mais je m'y suis très bien faite. Après la guerre, je suis entrée en 6e et j'ai découvert ce qu'était l'univers scolaire. Pas très drôle. mais des professeurs à l'époque, des professeurs extraordinaires. Vraiment, je leur en sais gré. Nous étions jusqu'à 55 par classe. Et ces gens-là faisaient travailler tout le monde. Chapeau. Et alors, donc, vous faites votre parcours à la recherche de la moindre petite plante ou herbe qui pouvait apparaître sur les trottoirs parisiens. Ah oui. Ah oui, les rues étaient mal entretenues, évidemment, dans ces années-là. Il y avait des petits brins d'herbe qui poussaient dans les joints entre les bordures de trottoirs. Je les connaissais tous, ces brins d'herbe. C'était pour moi des repères, c'était leur amitié qui m'aidait à supporter la vie parisienne. Mais finalement, vous allez œuvrer et tout faire pour faire des études et des études de botaniste. Hein. Ce qu'il faut comprendre quand même, Aline Reynal-Roch, c'est que à votre époque, être botaniste était plutôt un métier d'homme. Ah oui. Mais et vous, finalement, voilà, vous entrez quand même dans ces études-là. Quels étaient vos mentors à l'époque? Alors très rapidement, il y a eu le professeur Schnell, le professeur Mangenot, qui étaient tous les deux à l'université. Qui m'ont appris beaucoup. Moi, je voulais aller travailler sous les tropiques. Et eux étaient tropicalistes. Ils m'ont guidé, ils m'ont enseigné des quantités de choses en privé. C'est là qu'on apprend le plus, au cours d'un bavardage informel avec un vrai grand professeur. Et puis, dès que je suis partie en Afrique, j'ai vécu en Afrique avec mon mari quelques années, j'ai rencontré un individu extraordinaire, c'était Théodore Monod. Et nous sommes restés amis jusqu'à son décès. Donc, j'ai bien connu Théodore Monod. Et de lui, j'ai appris beaucoup de choses sur la biologie, végétale, animale, sur la géologie, et j'ai appris aussi sur la philosophie de l'homme, grâce à lui. Alors, si vous voulez, on va l'écouter, Théodore Monod. On a retrouvé un passage de sa voix, donc dans Radioscopie de Jacques Chancel, daté du 5 juillet 1977. Je reste fondamentalement un zoologiste, comme vous l'avez dit. Je poursuis encore des travaux de zoologie pure dans plusieurs domaines, celui des poissons d'une part, celui des crustacés de l'autre. Mais comme vous l'avez souligné, je suis affligé d'une curiosité si dévorante que je n'ai jamais pu résister à un certain nombre de tentations, en particulier à celle de m'intéresser à ce que je vois à travers le monde. Actuellement, par exemple, je suis en train de poursuivre des recherches sur la flore de la Mauritanie occidentale. D'où vous revenez, d'ailleurs? Oui, j'y étais encore il y a quelques semaines et j'ai commencé l'inventaire de la flore d'un nouveau parc national qui se trouve sur la côte atlantique de la Mauritanie. Vous avez de la chance, vous ne vous arrêtez j'ai, pas. J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance. Vraiment, je ne me serais pas ennuyé sur Terre. Et quand on voit la quantité de nos compatriotes et contemporains qui s'ennuient, on est vraiment très stupéfait parce qu'un naturaliste, je suis un naturaliste, et un naturaliste ne s'ennuie jamais et nulle part. Pas d'ennui, jamais et nulle part, c'est votre cas aussi? Absolument. Il y a toujours quelque chose à regarder, quelque chose à regarder d'encore un peu plus près, et de se dire, mais finalement, on n'avait jamais vu comment sont insérés les poils qui poussent au bord de cette petite feuille. C'est minime, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour le naturaliste, c'est un objet de joie. On peut rappeler, on peut donner des chiffres, Aline Reynal-Roch, hein, 240 000 espèces de plantes à fleurs dans le monde. Et alors vous, donc, vous choisissez ces plantes marginales, comme on dit, hein, des plantes des marécages. Là, on retrouve votre goût pour la mare de votre enfance, peut-être. Mais et donc, vous devenez spécialiste de quelles plantes, spécifiquement? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la famille des gentianacées, mais pas les gentianes de nos montagnes. Les gentianacées tropicales, qui ressemble tout à fait à autre chose. Également sur des plantes parasites, qui sont fascinantes parce qu'elles attaquent, elles se fixent sur des plantes autres, elles sucent leur sève, et quand elles sont sur des plantes sauvages dans la nature, tout le monde arrive à se débrouiller à peu près. Quand je dis tout le monde, c'est la population végétale. Mais lorsqu'elles attaquent des plantes particulièrement grandes, puissante, riche en bonne sève. Là, elles prolifèrent de façon exagérée. Autrement dit, sur les cultures vivrières, elles sont terriblement mortelles. elle tue les cultures vivrières, en particulier dans le Sahel. Et alors pourquoi votre intérêt à vous pour ce genre de plantes ? Parce qu'elles ont une biologie qui est particulière. Lorsqu'on tue celui aux dépens duquel on vit. Il faudrait être stupide pour faire ça. Eh bien, elles ne sont pas du tout stupides. Elles ont su tourner la difficulté. Elles se développent lorsque leur futur hôte est déjà un peu grandelet, donc suffisamment puissant. Elles se fixent dessus. Elles le parasitent, mais elles se développent très très vite. Et lorsque l'hôte commence à s'acheminer vers la mort, épuisé, eh bien, elles font leurs graines. Et au revoir, messieurs, dames, j'ai fait mon travail, maintenant vous pouvez mourir en paix. Ça, c'est le parasite. C'est extraordinaire. Et donc, vous avez œuvré parce que, il faut quand même rappeler aussi que dans l'histoire des hommes, Aline Reynal-Roch, on a toujours connu donc ce couple homme-nature, homme-végétaux, mais en même temps, pendant des siècles et des siècles, c'était plus une connaissance, j'ai envie de dire, de surface, mais on n'avait pas vraiment la connaissance scientifique. Celle-ci, elle apparaît, elle, ne serait-ce que pour, par exemple, les amours des plantes. Hein. Oui. J'ai noté dans vos livres qu'il fallait attendre le XVIIe siècle pour que l'idée de sexe mâle et femelle chez les plantes apparaissent, et même la seconde moitié du 19e siècle pour évoquer les modalités des différentes sexualités végétales, la complexité aussi des phénomènes d'alternance des générations. En fait, on peut dire que la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, c'est au milieu du 20e siècle qu'on l'a vraiment possédée. Ah oui. Donc des connaissances tardives, c'est vrai qu'on l'imagine pas. C'est très complexe, c'est beaucoup plus complexe que chez les animaux. D'où la difficulté, d'où aussi l'impression finalement que cette science, la botanique, est une science pour un monde à part. Le langage n'est pas facile. Vous savez, quand on ouvre un livre pour les puristes, c'est vrai qu'il y a les noms en latin, il y a la systématique, la taxonomie, une nomenclature, les codes, et c'est un langage propre quand même. Oui, c'est un langage qui est très particulier. Mais qui facilite tellement la vie quand on travaille dans ce milieu-là. Le langage est obligatoire, finalement. Donc tous ces travaux de terrain que vous avez réalisés de votre côté, finalement, nous apportent aussi cette ouverture sur l'extraordinaire richesse de la nature. Et ah oui. Il faut encore rester prudent aujourd'hui parce qu'on a une énorme méconnaissance. Une grande méconnaissance du monde végétal en particulier, et aussi du monde animal en ce qui concerne les très petites bêtes. Les insectes sont très très peu connus. Il y a tellement d'espèces. Et en même temps, il y a toujours ce lien entre plantes et insectes, et c'est pour ça que vous nous en parlez, parce que dans vos recherches, on imagine que ce rapport des plantes, du végétal avec les insectes, joue sur aussi les études que vous pouvez mener. Bien entendu, bien entendu. Alors, on va entrer dans ce qui fut votre travail de terrain, Aline Reynal-Roch, et on va en prendre la mesure tout de suite avec, justement, on le retrouve, Joël Jérémy, on le retrouve au Muséum National d'Histoire Naturelle, au micro de Catherine Decopé. Moi, je ne connaissais pas du tout la Guyane, j'avais été une fois avant en touriste, mais les deux séjours qu'on a fait à 20 ans d'intervalle, ce qui était très intéressant parce que ça nous a permis de faire des comparaisons, on a fait des séjours... une fois une semaine sur la piste de Saint-Élie, tous les deux, sous un carbet, en pleine forêt, et à aller dans tous les milieux aquatiques qui avaient le long de la piste de Saint-Élie. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires. On était deux du matin au soir, on travaillait tout ensemble. Et puis la deuxième fois en Guyane, c'est quand on a fait une étude botanique des trentaines de kilomètres de la rivière de Caux avant l'embouchure, si vous voulez. Et avec un bateau à moteur, on avait quelqu'un qui nous guidait et pendant une semaine, on a fait toutes les berges de la rivière de Caux et récupéré toutes les plantes aquatiques qu'il y avait tout le long, jusqu'à l'origine de la rivière, enfin, et pas la naissance de la rivière, mais jusqu'au maximum d'endroits où on pouvait aller. Aline Reynal-Roch, c'est quelqu'un d'assez infatigable sur le terrain ? Oh, infatigable, très certainement, ça c'est sûr. Quand je l'ai connue, c'était vraiment... Il fallait la suivre, ça c'était même difficile à suivre. Oh là là, difficile. On imagine que vous êtes une tortionnaire sur le terrain, Aline Reynal-Roch. Alors, est-ce qu'il y a une méthode, Aline Reynal-Roch, justement, sur le terrain ? Eh bien, oui, ce n'est pas une méthode. C'est une volonté de faire ce qu'on a envie de faire. c'est pire qu'une méthode. Et il y a des petits trucs, par exemple. Dans les pays comme le nord du Mali, c'est quand même une des régions les plus chaudes du monde, à la saison chaude. Je reconnais que j'ai certains de mes collègues qui ont souffert le martyre. Parce que la chaleur est dure à supporter. Mais moi, j'arrivais à réguler un peu ma respiration et surtout à détendre les muscles des épaules de façon à consommer moins d'énergie, de façon à moins échauffer le corps. Et sur les mauvaises routes, quand on était cahoté dans tous les sens sur des jeeps innommables, hors d'usage, détendre le dos, laisser pendre la tête en avant, doucement, de façon à ce que les chaos tirent sur la colonne vertébrale. Et on n'a jamais mal au dos dans ce cas-là. Ah, des petites astuces comme ça. Mais en tout cas, ce travail de terrain, on a du mal à le mesurer. Alors quand un botaniste travaille comme ça dans différents pays, là vous évoquez le Mali, on a entendu donc Joël Jérémy parler de la Guyane. Comment vous travaillez au quotidien du matin au soir ? Alors, le matin, de bonne heure, il faut partir sur le terrain avec la volonté d'aller observer tel petit secteur, tel milieu naturel. Que vous avez repéré parce que oui. Vous savez que là, vous allez trouver, oui. Dénicher des nouvelles espèces ? On est à la recherche de nouvelles espèces ? Ah oui, moi j'ai trouvé des plantes qui n'étaient pas encore décrites et que j'ai décrites par la suite. Mais il faut des mois ou des années pour les décrire après. Ça, c'est le travail de labo qui se fait quand on est revenu au laboratoire. Donc, sur place, vous dénichez, alors, vous prélevez ? Oui. Alors, on photographie sur place, on prélève. Dans certains cas, je fais des croquis sur place, assise par terre, dans la boue. Je fais des tout petits croquis, tout simples. Mais c'est tellement précieux parce que les moindres détails, les moindres proportions sont conservées. Sur le croquis. Si on prend des notes, les notes sont toujours incomplètes. Ou alors, il faudrait prendre des pages et des pages de notes. Ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Donc, quelques petits croquis, tout simples. Mmh. Et puis, on garde un échantillon pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Un seul ? Non, ça dépend des cas. Mmh. Si c'est possible, on en garde 3 ou 4 échantillons de la même plante. Si c'est un arbuste, c'est facile de prendre 3 ou 4 petits rameaux. Si ce sont des petites plantes et s'il y a une grande population de ces petites plantes, on en prend 3 ou 4. Mais si c'est une petite plante dont on ne trouve qu'un individu ou que quelques individus très rares, on n'en prendra qu'une seule. Parce que même si c'est au fin fond de la brousse dans un pays très lointain où il n'y a personne, il faut toujours penser à préserver la plante qui est rare. Eh bien, on va retourner avec Joël Jérémy, mais toujours sur ce thème-là, hein, la classification, la préservation, la découverte à l'INRE Nalroc. On retourne donc au Muséum d'Histoire Naturelle pour justement plonger dans certains de vos croquis. Elle, c'était essentiellement quelqu'un qui étudiait les plantes à la fois dans leur milieu, quand on y était, de façon approfondie, et surtout aussi qui en sortait pratiquement tout ce qu'on peut en tirer, qui n'attendait pas de revenir au laboratoire pour pouvoir les étudier. Elle les étudiait vraiment sur le terrain, et on la voyait toujours avec son petit carnet, où elle prenait des notes, elle dessinait, et on verra que souvent, les spécimens récoltés par Aline sont accompagnés de dessins qu'elle faisait sur le terrain, le soir, ou sur place, en récoltant la plante. Les plantes de chaque famille sont rangées par genre, ensuite par espèce et par continent. Attendez, on va essayer de trouver quelque chose ici. C'est ici. La famille numéro 34, c'est les Hydrocharitacées. C'est une famille de plantes aquatiques. Plante d'Aline Rénal, un spécimen récolté en Guyane en 1976. Et je crois que, voilà, un limnobium. Voilà comment Aline dessinait pour chaque espèce, avec des annotations de différentes caractéristiques morphologiques qu'elle voyait. C'est en ça qu'Aline apportait beaucoup pour les espèces qu'elle a étudiées. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Et là, on prend toute la mesure de l'utilité des herbiers aussi, Aline Reynal-Roch. Alors, les dessins, donc, ensuite, sont conservés dans les archives du muséum, c'est ça? Vous ne pouvez pas les conserver? Oh, mais les dessins sont beaucoup trop modestes. Ils sont dans mes petits carnets qui ont un format moitié A4. Oui. Non, le quart de A4. D'accord. Et ben, ce sont mes petits carnets de route. Et dans mais qui sont déposés dans les archives, finalement. Là. Ils y arriveront. Mais pour le moment, ils n'y sont pas. Mais il y en a certains qui y sont, puisque Joël Jérémy en a montré. Oui, oui, oui, exactement. Donc ça, ce sont les croquis de terrain oui. Qui sont dans les carnets de chaque jour. À côté de ça, il m'arrive de prendre une plante et de faire l'analyse de la fleur en particulier avec une bonne loupe binoculaire. Et je fais des dessins de petits détails très agrandis. En couleur. Donc vous avez toujours vos petits crayons de couleur avec vous? Oui. Ah oui, quand je voyage, j'ai quelques crayons de couleur. Il n'en faut pas beaucoup, juste quelques-uns. Et mais en même temps, il faut retrouver la couleur de la fleur, de la plante que vous avez en face de vous. On fait des mélanges. Ah. On superpose les crayons de couleur. D'accord. Parce qu'il ne faut pas se tromper là aussi. Ce sont des témoignages pour l'histoire. Ça veut oui, dire oui, que oui, les couleurs que vous utilisez restent comme telles. Oui, oui. D'où l'utilité aussi d'avoir des crayons de couleur de bonne qualité, qui sont stables, qui ne vont pas passer avec le temps. Ah oui. Quand on a travaillé au muséum, on pense toujours à long terme. Conserver à long terme. Ah oui, les archives, et pour demain, et pour l'histoire. Alors, vous en avez nommé des nouvelles plantes. Comment on donne un nom quel nom avez-vous choisi d'ailleurs? Il faut que ce soit un nom qui n'a pas encore été utilisé pour les plantes voisines de celles qu'on a découvertes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que ce soit un nom qui soit facilement latinisable. Et on le choisit soit parce que la plante a une caractéristique qu'on remarque tout de suite, soit parce qu'on veut honorer quelqu'un. Donc on donnera son nom qu'on va latiniser facilement. Enfin, on choisit le nom. Et alors, vous pouvez nous en dire un ou deux? Bien, auquel vous tenez peut-être plus que d'autres, je ne sais pas. Par exemple, il y a une grande euphorbe cactiforme que nous avons nommée Euphorbia letestui, dédiée à Monsieur Letestu, qui était un botaniste fort âgé quand nous étions fort jeunes. Et puis, une toute petite plante aquatique qui s'appelle Rotala pterocalyx. Pterocalyx en grec, ça veut dire que le calice porte des ailes, et effectivement, il y a des crêtes longitudinales sur le calice de la fleur. Et est-ce que vous pouvez le faire pour n'importe qui? On va dire, vous avez par exemple un attachement en particulier à un artiste, et vous dites, allez, je vais lui dédier une fleur. Ah, ce serait possible. Alors si c'était cet artiste, ce serait qui, par exemple? Ah, je n'ose pas le dire, parce que ce n'est plus un artiste aujourd'hui, c'est Jean-Sébastien Bach. Ah oui, donc ça pour la musique, ce serait lui, d'accord? Ah, ça, mais ça pourrait, ça pourrait. Oui, je n'ai jamais pensé lui dédier une plante parce que c'est trop tard. Ah, pourquoi? Ben, ce pauvre homme n'en profiterait pas. Oui, mais en même temps, pour sa mémoire, c'est joli quand oui, même. Oui, bien sûr. Et sinon, un artiste, artiste peintre, artiste, je ne sais pas, ou autre, dans votre univers? Alors, dans mon univers, il y a évidemment Redouté qui a peint des fleurs de façon magnifique oui. au tournant 18e-19e siècle. Ça, il a laissé des traces extraordinaires d'une connaissance admirable de la peinture. Admirable. Ça, c'est vraiment dans mon univers, dans mon milieu. Oui. Et puis alors, par contre, hors univers du végétal, nous, on sait qu'il y en a un autre qui vous tient à cœur, Aline Reynal-Roch, c'est Trémois. Ah, oui, oui. Alors, ce n'est pas un peintre, c'est un dessinateur. Dessinateur, il fait de la gravure aussi, dessin, oui, sculpture, oui. Enfin voilà, je veux dire, effectivement. C'est le trait. C'est le trait dépouillé. Ça, je suis très sensible au trait dépouillé. Et donc, les œuvres de Pierre-Yves Trémois voilà, font partie de vos goûts artistiques. Ah oui, oui, oui. À cause de la précision du trait. Cette manie de faire de la recherche, on aime la précision. Le trait précis, le ouais. trait qui ne se cherche ah, oui. pas, le trait qui jaillit dans toute sa pureté et son exactitude. Exactitude. Mais écoutez, en tout cas, Catherine de Copé a cherché à donc entrer en contact avec Trémois pour vous faire un cadeau. Et alors, Trémois a choisi comme cadeau une lettre assortie d'un dessin pour vous, Aline Reynal-Roch. Je vous la remets. Et puis, je suis extrêmement touchée. Voilà, c'est un original. Et je vous propose de la lire ensemble, si vous voulez. Voilà, je vous la donne en direct. Mais je ne sais plus que dire. Ah, c'est la tête de l'aigle. Le Quelle dessin. Merveille. Ouais. Alors voilà. Alors, je retourne ce grand papier. Ce message destiné à Aline Reynal-Roch, botaniste de si grande renommée et que j'admire. Je vous laisse poursuivre. Le trait n'est-il pas déjà dans mon nom ? Je dessinais avant de savoir écrire. Et si je sais pourquoi j'écris, je ne sais toujours pas pourquoi je dessine. Le trait est un moyen d'expression directe et cependant complexe. Il paraît si simple que cela devient ambigu. Il me limite, mais être clair et précis, c'est mon plaisir. Et c'est périlleux, le précisionnisme contre l'imprécisionnisme. Quand il s'agit de fixer d'un trait un enlacement humain, parfois même dans une attitude érotique, ce doit être d'une précision mathématique et presque chirurgicale. Pour tout vous dire, j'aime dessiner avec n'importe quoi. Un crayon taillé, un pinceau effilé, la lame acérée d'un burin. Quelle excitation de la main, du cerveau, de la sensibilité et si possible, tracer sans repentir. J'aurais aimé avoir le titre prestigieux égyptien de scribe des contours. Faire des traits comme les Japonais, des traits de longue haleine, dessiner à la pointe du stylet, serrer les dents, le vide. On est pris au piège. Moment rare, on est un autre soi-même. Alors il peut se passer un petit miracle. Bien que le miracle, c'est de croire qu'il puisse y en avoir un. Le premier dessein de Dieu n'était-il pas de dessiner ? Le dessin est notre signature. Puisse la simple signature de l'homme n'être pas son geste ultime. Et si je dessine précisément la nature, c'est qu'elle est précisément dessinée. Et vous ne me contredirez pas, chère Aline. Ce messager vous apportera toute mon amitié. Et le messager, c'est cet aigle-là magnifique qu'il a dessiné pour vous et que l'on mettra, bien sûr, lettres et dessins sur le site de l'émission pour que les auditeurs en prennent la mesure. Je suis vraiment émue d'un tel cadeau. C'est une merveille. Et ce trait qui vous lie. Et c'est dédicacé à la Marche des sciences. Oui, France Culture. Je n'osais pas le dire. Mais surtout à merci, vous, Aline Reynal-Roch. Merci à vous. Je vous en prie. Tout particulièrement. Et merci à Trémois qui surtout. Nous écoute, évidemment. Et on espère que tous les deux vous rencontrerez suite à cette émission. Et alors, autre cadeau, justement, à ce niveau de l'émission, je vous propose, puisqu'on est un peu dans les secrets, on sait aussi, Aline Reynal-Roch, que vous aimez dans ce monde artistique un humoriste que vous aimez beaucoup. Donc, c'est De Vos. Je vous propose de l'écouter dans un sketch sur les plantes, suivi de votre cher Jean-Sébastien Bach. J'ai des plantes d'appartement, j'ai un lierre, ça j'ai un lierre, bon, eh bien, bon, qui grimpe le long du mur, hein, bon, je ne dis trop rien, hein, je fais celui qui ne voit pas, hein, oui, ah oui, mais c'est qu'il en abuse, hein. Il en abuse, alors il se déplace, il grimpe sur l'armoire, il s'enroule autour des... Vous savez comment il fait? Il tire sur ses racines, il ramène le pot sous lui, parce qu'il est très propre, hein. Ah, il est très propre, alors. Oh là. Mais dans ma chambre, j'ai un pied de vigne. Un pied de vigne. À chaque fois que je me mets dans la tenue d'Adam, il y a une feuille qui vient. Je la repousse, elle revient. L'instinct. De la vigne vierge, hein? Attends. Thank you. Jean-Sébastien Bach, œuvre pour piano interprétée par Glenn Gould. C'est votre choix, Aline Reynal-Rock. En tout cas, c'est cette interprétation qui vous plaît, je le sais. C'est la suite de La Marche des Sciences sur France Culture en votre compagnie. Vous qui êtes botaniste, professeur honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, spécialiste des plantes à fleurs, auteur notamment, je cite deux de vos ouvrages, il y en aura d'autres sur notre site, La Botanique Redécouverte, donc chez Belin, Dessiner et photographier les fleurs, et puis donc d'autres livres sur les orchidées. Voilà, à découvrir aussi, une immersion dans son, dans votre univers, dans votre friche humaine et végétale, et puis cette nécessaire sensibilisation à la préservation de la nature. Est-ce qu'on peut dire, Aline Reynal-Rock, finalement, ce métier, vous l'avez pris à bras le corps, mais en étant à la fois humaniste et botaniste? Peut-être. Et je pense que Théodore Monod m'a aidée dans ce sens. Parce qu'on le retrouve dans vos ouvrages, hein. Vous le dites, il faut laisser foisonner la vie, non la maintenir sous contrôle, respecter la plante variante et même les inutiles, car, et là je vous cite dans le texte, la richesse du monde végétal, si elle est conservée, sera garante de la poursuite future de l'aventure humaine. Oui, ça je le crois. Et puis, voilà, je le souligne, parce que je le sais, une forte femme, mine de rien, hein, une vie de famille bien remplie, deux enfants, deux nièces recueillies aussi hein, au fil de la vie, et puis vos déplacements, et tout cela avec cette envie aussi de donner la passion. Oui, certainement. À la maison, avec les enfants, nous travaillions beaucoup. Ils ont fait des études, et moi je travaillais toujours. Bien sûr, je rédigeais mes articles, je travaillais toujours. Mais c'était dans la joie. Et on s'amusait. Et nous étions tous ensemble autour d'une grande, grande table. Et on travaillait, et on rigolait. C'était la vie, ça. Et puis c'est cette façon aussi de faire en sorte que le savoir, la culture, entre au quotidien par bonheur, par plaisir, comme vous dites. Oui, oui. En tout cas, dans cette envie de donner cette passion, donc aux autres, déjà à vos proches, mais aussi aux autres, les étudiants que vous avez vus devant vous, on va là se tourner vers un autre témoin rencontré par Catherine de Copé et qui fut l'un de vos élèves. Il s'agit d'Alain Douineau, conférencier au Muséum National d'Histoire Naturelle, ancien jardinier du muséum, notamment responsable de l'école de botanique. J'ai rencontré, en allant suivre des cours de botanique, elle a donné pas mal de cours, et c'était des cours qui duraient 2h30, 3h, avec une ambiance tout à fait formidable, parce que déjà elle rentrait, il y avait son petit chien qui montait sur les genoux des gens, il s'appelait Pharaon, c'était assez marrant, parce qu'elle disait, Pharaon, tu vas te coucher, et puis non, tout le monde disait, mais non, il est mignon, etc. Enfin, il y avait toute une ambiance, et puis elle parlait, quand elle parlait de botanique, à la fois c'était très sérieux et très carré, et puis elle n'hésitait pas, on avait l'impression qu'elle déboisait. Elle était quelqu'un de terrain. Et ça se ressentait même à l'intérieur du cours, qui pourtant était un cours très rigoureux, mais avec de l'humour, avec des anecdotes. Elle parlait d'une fois où elle s'était égarée dans la forêt en Amazonie et qu'elle a mangé des courges pendant une semaine. Enfin bon, elle parlait de toutes les strates de la botanique. Elle avait un côté un peu explosif, elle racontait ses aventures et en même temps, elle donnait un cours absolument rigoureux. Elle parlait par exemple un jour des gymnospermes, bon voilà, tel groupe. Elle parlait de leur multiplication, elle parlait de leur milieu. Et puis en même temps, elle citait des anecdotes. Et quand après, j'ai souhaité la voir une fois ou deux dans son laboratoire, elle nous accueillait à bras grands ouverts, quoi. Disons que elle fait partie un petit peu de ma colonne vertébrale. Par sa spontanéité, elle montrait que c'était jamais ennuyeux, que c'était toujours passionnant, qu'on pouvait toujours avancer. Elle était évidemment très érudite, mais elle avait pas de vanité, pas de prétention, ce qui fait que on pouvait travailler avec elle sans être gêné. Et c'est certainement une des principales personnes qui m'ont donné envie, qui m'ont permis d'aller plus loin dans ce métier. Alors finalement, vous faites partie de la colonne vertébrale de certains anciens étudiants, Aline Reynal-Rock. Eh bien, c'est un honneur pour moi. Et Alain Douineau, j'en garde un souvenir merveilleux. Il était jardinier. Un petit jardinier au muséum. Petit jardinier. Et cet homme a une connaissance des plantes admirable. avec une grande humilité. Je ne suis qu'un jardinier. Mais j'ai appris beaucoup grâce à ces gens-là. Alain m'a donné beaucoup, beaucoup, bien sûr. L'expérience d'un jardinier qui a cultivé des milliers de plantes différentes dans sa vie, c'est merveilleux. Et qui ensuite s'est enrichi dans vos cours et finalement a cette connaissance digne des meilleurs chercheurs. C'est ce Mais que bien dites. Sûr. En tout cas, il nous fait. On va le retrouver tout à l'heure, justement, dans son univers. Mais auparavant, je voudrais quand même aborder avec vous cette notion des plantes, parce que Alain Duino en a aussi la conscience. Bien sûr, c'est des plantes qui évoluent, qui se transforment au fil du temps. Alors, pendant des millions d'années, le phénomène évolutif a fait apparaître de nouvelles espèces, de nouvelles formes de vie, et en même temps, et donc voilà. Et puis aussi, dans une moindre mesure, des disparitions. Mais depuis quelques décennies, les espèces disparaissent 1 million de fois plus vite, dites-vous, qu'elles n'apparaissent. Oui. Oui, oui, oui. Nous sommes en train de vivre, à mon avis. Mon avis ne vaut pas grand-chose, hein, simplement. L'idée que j'ai, c'est que nous vivons une période de grande extinction. Dans l'histoire de la Terre, il y a eu plusieurs épisodes semblables, au cours desquels 99% des formes vivantes ont disparu. Il en est resté très, très, très peu. Et après ces grandes périodes d'extinction, la vie est repartie, mais toujours complètement différente de ce qu'elle était avant. En ce moment, nous sommes en train de détruire énormément. Si l'homme survit, je ne suis pas sûr que la nature pourra repartir, pourra produire un nouveau foisonnement différent et neuf. En revanche, si l'homme devient raisonnable, ou si lui aussi disparaît, parce que finalement l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. Et il travaille beaucoup, disent les scientifiques, pour sa propre disparition. Oui. Je pense que la planète pourra connaître un nouveau départ grâce à la végétation. Les plantes sont inventives, beaucoup plus que les animaux. Inventives au niveau biologique, c'est-à-dire capables de s'adapter. Quand je dis inventive, ça ne veut pas dire qu'elle pense. Non, je ne suis pas du tout de ces gens-là, moi. Hein. Oui, parce qu'on parle, enfin, certains scientifiques parlent de neurobiologie végétale ou d'intelligence végétale. Bon, oui, pas vous. Oui, mais ce sont des termes que je préfère éviter. D'accord. Je n'en suis pas encore arrivé là. Mais elles savent, encore un mot que je devrais éviter, le mot savoir, trouver des modes de vie dans lesquels elles pourront s'adapter. Oui, par exemple, on sait que des plantes qui subissent un feu de forêt se nourrissent presque de ce feu pour repartir de plus belle. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un certain nombre de plantes dans tous les pays où les feux de forêt sont récurrents qui fleurissent abondamment l'année d'après un feu de forêt et qui ne vont pas fleurir si la forêt ne brûle pas. Ces fameuses plantes phénix. Exactement. Et en même temps, vous disiez, je ne devrais pas dire, elles savent. Mais aujourd'hui, on travaille sur le langage des plantes, puisqu'on sait qu'elles émettent des messages. Oui. Par exemple, des messages chimiques. En émettant une molécule, j'ai noté l'acide salicyclique. Alors, elles détectent les stress environnants et elles réagissent. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, les plantes parasites sur lesquelles j'ai travaillé entretiennent un dialogue avec la plante qu'elles vont parasiter. La plante parasitée émet des substances dans le sol et ces substances attirent la plante parasite qui pousse en direction de la racine émettrice. Ensuite, il y a vraiment un dialogue entre composé émis par l'un, autre composé émis par l'autre et le résultat est que le parasite s'accroche fermement à la plante qu'il veut parasiter. Oui, ou comme les plantes, par exemple, qui veulent être fécondées ou attirer des insectes, produits soit sous forme d'odeur ou de couleur, des attraits, Des attracteurs, on Exactement. Dit, qui sont extrêmement efficaces, mais il ne s'agit pas d'un langage pensé. Non, mais en même temps, pour le plus grand malheur du végétal, il est encore trop souvent considéré par l'homme comme un matériau ou un simple décor inerte. Et là, il faut lutter contre aussi. Le végétal étant prétendu immobile, le végétal est un truc pour beaucoup de nos contemporains. Oui, alors que les plantes bougent, les mouvements sont lents, mais aujourd'hui on les capte, les observateurs les captent. Bien sûr, les plantes sont en mouvement constant dans la mesure où elles poussent. Une plante qui ne pousse pas devient immobile, autrement dit, elle meurt. Alors, je te propose, Aline Reynal-Roc, de retrouver Alain Duino, justement, dans son jardin botanique du muséum. Là, on va entrer dans le jardin botanique. Il est ouvert au public, il est gratuit d'accès d'ailleurs. C'est l'endroit donc où, à partir de 1640 à peu près, un maître des plantes enseignait l'usage du végétal, l'usage des plantes et la connaissance des plantes aux élèves en médecine, en apothicairie et également au public. C'était gratuit pour le public et les gens n'avaient pas le droit de parler. Ceux qui prenaient la parole se faisaient virer. Pour l'école de botanique, en moyenne, il y a 3200 espèces. Pour parler d'Aline Reynal-Roch, ici, elle emmenait ses étudiants ou elle travaillait, elle, toute seule, dans ce lieu ? Alors moi, je l'ai surtout vue descendre toute seule, venir voir, venir demander un échantillon ou des échantillons, et puis en profiter toujours pour dire, alors, est-ce que vous avez une question par rapport au cours de l'autre fois ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Et puis surtout, regarder ce qui était évident, la façon dont ces plantes, qui sont des plantes sauvages ici, circulaient, certaines s'échappaient, ce qu'on appelle les plantes adventices. Autrefois, on disait un mot horrible, on disait mauvaise herbe, ça n'existe plus, il n'y a pas de mauvais animaux, il n'y a pas de mauvaise herbe. Mais il y a des adventices, c'est-à-dire des plantes qui partent à l'aventure, qui adviennent dans les plates-bandes. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a certaines plantes sauvages, des fois un peu rares, qui ont tendance à faire ça. Et ça, c'est le grand bonheur des botanistes de laboratoire, dont Aline Reynal. Alors, il y a une plante que l'on va voir, qui est une plante qu'elle nous avait offert, qu'elle avait offert au jardin botanique. Et puis, elle me dit, tenez, en échange de ce que vous m'avez donné, je vous donne une artémisia. Artémisia, c'est des plantes dans lesquelles on trouve l'estragon, l'absinthe. Sur le coup, ça faisait un petit fagot d'herbe. J'ai dit, oh là, j'ai confiance en elle, mais... Et en fin de compte, ça a très bien marché. Et c'est une plante extraordinaire parce qu'elle est endémique du Var. Sur 3 communes en France, c'est le seul endroit au monde où on la trouve. Et elle se porte à merveille ici. Alors, on va aller la voir. Alors, voilà. Allée 26, sud. Effectivement, à l'heure actuelle, on dirait un petit peu des balais, hein, des balais de bouleaux. Mais tout ça, c'est issu de 3-4 branchages. Et quand elle est très bien développée, elle a un parfum assez fort. Et puis surtout, c'est la qualité et la rareté des plantes qui donnent la beauté du terrain. Alors les petits fagots, là, finalement, une belle plante, beauté du terrain. Oui, le fagot, c'est un peu méprisant comme expression. Oui. Mais ça exprime bien à quoi ressemblent ces plantes-là. Mmh. Et les qualités d'une plante et son intérêt n'ont rien à voir avec un intérêt décoratif. La décoration n'existe pas pour les plantes. Ce qui compte, c'est la vie. Et alors, ce jardin botanique, donc, a été aussi votre terrain d'enseignement, finalement, un petit peu ? Oui, j'y allais volontiers. Soit terrain d'enseignement, soit aussi pour satisfaire ma propre curiosité. Et j'allais voir les jardiniers pour leur demander « Vous avez des tuyaux sur cette plante ? Comment se comporte-t-elle » etc. Et ils avaient des tas de tuyaux. Des gens merveilleux. Donc vous étiez déjà, et avant l'heure, Aline Reynal-Roch, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la science participative. Mais c'est normal. On ne fait pas de la science tout seul dans son coin. On ne peut progresser que si on peut parler de ce qu'on fait. Et si on peut comparer les observations que l'on fait avec les observations faites par un autre collègue, il faut communiquer. Je crois que c'est très important. Et alors, votre univers végétal, à vous, votre jardin, finalement, il ressemble à quoi ? Maintenant, j'ai un jardin qui est petit, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour les jardins anglais. Parce que les Anglais savent cultiver des quantités de plantes groupées sur des petites surfaces en donnant l'illusion de quelque chose de naturel. Reconstituer la nature. Vous me direz, c'est bien ambitieux. Me prendrais-je pour Dieu, peut-être ? Non, certainement pas. Et en même temps, quand vous dites jardin anglais, nous, on a tout de suite dans la tête les images de jardins bien en place, bien propres, alors que vous êtes une femme des friches, finalement. Oui, oui, mais les Anglais savent très bien avoir des friches dans leur jardin, dans les grands parcs. Par exemple, les grands parcs de Chelsea ou de Kew, vous avez des secteurs qu'on ne tond qu'en juillet-août, pas avant, parce qu'on y a introduit des bulbes, qui vont fleurir les uns après les autres dans des grandes herbes. Et c'est seulement lorsque les bulbes auront fini leur cycle que tout commencera à jaunir, qu'on peut se permettre de tondre. Donc vous avez la pelouse bien rase, bien tondue, et vous avez aussi l'herbe folle dans laquelle on a apporté de jolies choses. Et alors, votre fleur préférée ? Ah, ça, c'est impossible de vous répondre. Parce que... Tant pis pour moi. Je suis désolée pour vous. Mais toutes les fleurs ont un intérêt. Toutes. Elles ont toutes leur beauté. Elles ont toutes leur qualité biologique. Et elles ont toutes la possibilité de satisfaire la curiosité de la petite bonne femme qui veut toujours aller voir ce qu'il y a derrière le pétale. Y a-t-il une glande cachée derrière le pétale ? Mais alors, quand on vous offre des fleurs, on vous offre quoi ? Objectivement, on m'offre rarement des fleurs, on m'offre plutôt des plantes. D'accord. Alors, ce sont des plantes à planter au jardin, ou ce sont des plantes à garder en serre. Parce qu'on n'ose pas vous offrir les fleurs coupées, pourquoi ? Parce qu'il y a le symbole de la fleur qu'on va faire mourir, finalement ? Oui, et puis parce que ce sont aussi des plantes qui sont cultivées dans les jardins, donc des plantes améliorées. Ah oui, et la main de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'amélioration ? C'est une perversion de la nature, dans bien des cas, puisque beaucoup de fleurs cultivées dans les jardins ne peuvent pas se reproduire toutes seules si on les met dans des conditions naturelles. Elles ont perdu leur possibilité biologique spontanée. Alors, on m'en offre très peu. Ou alors, on m'apporte une fleur cueillie dans un jardin et on me dit « Regarde cette fleur, comme elle est belle, c'est la première fois qu'elle fleurit chez moi. » Alors ça, je suis touchée, j'aime beaucoup. Et ça, c'est magique. Allez, on va finir l'émission par tradition, Aline Reynal-Roch, par une question posée par un des intervenants. Et là, c'est Alain Douineau qui se tourne vers vous. J'aurais voulu simplement savoir... Jusqu'à quel point, la relation humaniste qui semble flagrante chez vous, le goût pour l'humanisme, est liée à votre vie de botaniste et aux risques que vous avez pris souvent dans votre vie par rapport à la recherche des végétaux et au contact de la nature? Eh bien, Alain, d'abord, merci de vos interventions, Alain. Je pense peut-être que cette dimension un peu humaniste est due au fait que j'ai toujours regardé autour de moi, depuis mon enfance. Regarder les plantes, regarder la nature, mais regarder l'homme qui s'intègre plus ou moins bien ou plus ou moins mal dans la nature. Et finalement, c'est un peu la totalité de la vie qui m'intéresse. Je suis très ambitieuse, j'en suis désolée. Mais c'est fascinant de voir cette intégration qu'il y a entre l'homme, les animaux, les plantes et la géologie. Vous savez que la géologie m'a beaucoup intéressée quand j'étais plus jeune. Maintenant, je n'ai plus trop le temps. J'ai encore hérité ça de Théodore Monod, bien sûr. Vous voyez, je crois que l'humanisme, c'est simplement savoir regarder l'ensemble de ce qu'on a autour de soi. Savoir respecter l'individu et l'ensemble. Je crois que le respect est la chose essentielle. Étudier avec respect, et je crois que ça suffit. Eh bien, merci à vous. Alors, vous avez cité Théodore Monod. On peut aussi citer et rendre un hommage, un petit salut à Francis Allais, hein, qui a fait partie aussi de votre parcours, Aline Reynal-Roch. Oui, oui, Francis a dirigé ma thèse il y a bien des années. Et c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Eh bien, en tout cas, je propose aux auditeurs de vous découvrir encore plus dans vos livres. Donc, je cite La botanique redécouverte, paru chez Belin. Enfin, tous vos livres sont parus chez Belin. De toute façon, vous êtes fidèle dans beaucoup de choses et fidèle à votre éditeur. Dessiner et photographier les fleurs de chez Belin. Et puis, d'autres guides, hein, notamment sur les orchidées, que l'on peut retrouver, qu'on retrouvera sur le site de l'émission franceculture.fr à la page de la Marche des sciences. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé. Et merci à Pierre-Yves Trémois également, et toutes ces œuvres sont également à découvrir dans ces livres sur notre site. Merci. Merci à vous tous. Je vous en prie.